بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc ceci le deuxième cours sur le livre, sur la traduction et les quelques commentaires du livre appelé Al-Qawl al-Mufid في أدلة التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصابي حفظه الله تعالى. Durant le premier cours, on avait expliqué, on lu la signification de la ilaha illallah, puis entamé le chapitre des conditions de la ilaha illallah. On a énuméré et expliqué la première condition ainsi que la deuxième. La première qui est العلم بمعناها, la connaissance de la signification de la ilaha illallah, de connaître l'affirmation qu'il y a dans cette parole et également la négation qu'il y a dans cette parole. Et la deuxième condition de la ilaha illallah, c'est al-yaqin. Al-yaqin qui est la certitude. Il faut être certain de cette parole, de la véracité de celle-ci, et il ne faut pas qu'il n'y ait de doute, et que cette science doit être une certitude et non pas une science comme le disent ou comme cela est dit en arabe, ilmun adh-dhann, ce ne doit pas être une suspicion ou une science qui n'est pas fondée sur la certitude. Ce sont les deux premières conditions et on s'est arrêté ici. ثم يقول المؤلف حفظه الله تعالى الشرط الثالث القبول لما اقتضته هذه الكلمة بقلبه ولسانه المنافي للرد. La troisième condition de la ilaha illallah, c'est d'accepter ce que cette parole implique, de l'accepter par son cœur, de l'accepter par sa langue, une acceptation qui nie tout refus. Une acceptation qui nie et qui exclut tout refus. والدليل قال الله تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. Et la preuve, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala en sourate As-Saffat, les versets 35 et 36. Et ils disent, ou eux, lorsqu'il leur a été dit, La ilaha illallah, et ils s'enorgueillaient. Et disaient, allons-nous abandonner nos divinités pour un poète fou? Allons-nous abandonner et délaisser nos divinités pour un poète fou. Ils ont donc refusé et n'ont pas accepté la ilaha illallah. Et on va lire l'explication qu'a donné Cheikh Sa'di rahimahullah ta'ala sur ce verset ou sur ces deux versets de sourate As-Saffat. يقول الإمام السعدي رحمه الله عند تفسير هذه الآية إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون قال رحمه الله ثم ذكر أن إجرامهم قد بلغ الغاية وجاوز النهاية فقال إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون فدعوا إليها وأمروا بترك إلهية ما سواه يستكبرون عنها وعلى من جاء بها. Et pour montrer où l'égarement de ces polythéistes a atteint des hauts sommets et ils ont dépassé les limites lorsqu'il leur était dit de dire ou lorsqu'il leur était dit La ilaha illallah, lorsqu'ils ont été appelés à cette parole et lorsqu'ils ont été ordonnés de délaisser tout ce qu'ils adoraient en dehors d'Allah, ils s'enorgueillaient. Ils s'enorgueillaient face à cette parole et ils s'enorgueillaient également vis-à-vis de celui qui leur disait, à savoir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. ويقولون معارضة لها أئنا لتاركو آلهتنا التي لم نزل نعبدها ونحن وآباؤنا لقول شاعر مجنون يعنون محمدا صلى الله عليه وسلم فلم يكفهم قبحهم الله الإعراض عنه ولا مجرد تكذيبه حتى حكموا عليه بأظلم الأحكام وجعلوه شاعرا مجنونا وهم يعلمون أنه لا يعرف الشعر والشعراء ولا وصفه وصفهم وأنه أعقل خلق الله وأعظمهم رأيا. Et ils disent, c'est-à-dire ces polythéistes, pour contredire la ilaha illallah, ils disaient, allons-nous délaisser nos divinités, que nous continuons d'adorer nous et nos parents pour un poète fou. Et celui qu'ils ont qualifié de poète fou, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils ne se sont donc pas contentés de refuser la ilaha illallah, ni de traiter de mensonge cette parole, mais ils ont jugé, ou ils ont apporté l'un des jugements les plus injustes, en qualifiant le prophète sallallahu alayhi wa sallam de poète et de fou, en sachant pleinement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne connaissait ni la poésie ni les poètes, et que la description du prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que son comportement n'était pas le comportement des poètes. Bien au contraire, c'est de la créature d'Allah azawajal celle qui a le plus de raison et celle qui a un avis le plus juste. Ce verset est donc une preuve que la ilaha illallah doit être accepté par le cœur et par la langue. Wa dalil est la preuve dans la sunna du prophète sallam wa an abi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به من الهدى والعلم فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به رواه البخاري ومسلم. Et la preuve dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam que la parole la ilaha illallah doit être acceptée et que cela fait partie de ses conditions, c'est le hadith d'Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu, rapporté par Al-Bukhari et Muslim dans leur Sahih, dans lequel il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ainsi est l'exemple donné à celui qui a compris la religion d'Allah et qui a profité de ce qu'Allah azawajal, ou ce par quoi Allah azawajal m'a envoyé comme guidé et science. Il a appris et enseigné, et l'exemple de celui qui n'a pas donné d'importance à cela et qui n'a pas accepté la voie d'Allah par laquelle j'ai été envoyé. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et Shahid al-Hadith, يعني la phrase du hadith qui nous intéresse dans le sujet que l'on traite, c'est et qui n'accepte pas la voix d'Allah avec laquelle j'ai été envoyé. C'est le hadith d'Abu Moussa al-Ash'ari et Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab al-Wisabi, hafidahullah. Comme je l'ai dit, son livre est un livre résumé. Il a donc cité de ce hadith ce qui l'avait besoin comme preuve. Et pour comprendre ce hadith et pour profiter de l'occasion pour citer le hadith dans sa totalité, il est moins court ou plus court afwan que le hadith d'Abu Huraira radhiyallahu anhu que l'on a cité dans sa totalité la semaine dernière. Le hadith d'Abu Moussa al-Ash'ari radhiyallahu anhu est rapporté par Al-Bukhari Muslim, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلاء والشعب والشعب الكثير وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. Donc le hadith d'Abu Moussa al-Ash'ari radiyallahu anhu dans sa totalité est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit: l'exemple qui est donné ou l'image qui est donnée par ce qu'Allah azza wa jalla m'a envoyé comme guidé et science est comparable à une pluie abondante, est comparable à une pluie abondante qui est tombée sur une terre. Elle est tombée sur une terre qui était propre, qui était pure, qui a accepté cette eau et qui a fait pousser de l'herbe et de nombreuses plantations. Et il y a une autre terre, Ajadib, qui a pris l'eau, qui a absorbé l'eau et l'a emmagasinée, et Allah Azza wa Jal en a fait profiter les gens qui ont bu de cette eau, qui ont donné à boire et qui ont utilisé cette eau pour irriguer leur culture. Et cette pluie abondante est aussi tombée sur une autre terre appelé Qi'an, qui ni elle n'absorbe l'eau, ni elle ne fait pousser de plantes et d'herbes. Ainsi est l'exemple qui est donné pour celui qui a compris la religion d'Allah et qui a profité de ce qu'Allah Azza wa Jalla m'a envoyé, ou par ce par quoi Allah Azza wa Jalla m'a envoyé comme science. Il a alors appris et enseigné, et l'exemple de celui qui n'a pas donné d'importance à cela est de celui qui n'a pas accepté la voix d'Allah par laquelle j'ai été envoyé. Ainsi, les gens face à la science qu'a apporté le prophète sallallahu alayhi wa sallam sont en combien de catégories? En trois catégories. Il y a ceux qui ont accepté la science. Ils l'ont accepté, ils l'ont appris et l'ont enseigné. Et ils ont profité de cette science en mettant en pratique celle-ci. Ils sont comparables à une terre qui a absorbé l'eau de la pluie, mais qui ne s'est pas contentée de l'absorber seulement, mais qui a fait pousser de l'herbe et des plantations en grande quantité. Et la deuxième catégorie, ce sont ceux qui ont pris la science, mais qui n'en ont pas profité. Comme le dit le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire qu'il n'a pas donné d'importance à cette science qu'il a accumulée. Mais est-ce que les gens en ont profité? Est-ce que les gens en profitent de cette science? Oui. Car le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est une terre qui a absorbé l'eau et qui l'a emmagasinée. Et Allah Azza wa Jalla en a fait profiter les gens qui en ont bu et qui en ont fait boire et qui ont utilisé cette eau pour irriguer leur champ et leur culture. Donc, qui a profité dans cette deuxième catégorie? Ce sont les gens et non pas celui qui a absorbé la science. Autrement dit, c'est celui qui apprend sans mettre en pratique et sans bénéficier et profiter de cette science. Et la troisième terre, Qi'an, qui elle, ni elle n'absorbe l'eau, ni elle ne fait pousser, ni elle ne fait pousser de plantation. Et celle-ci, l'exemple qui est donné à celui qui n'a pas accepté la voie par laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé. الشرط الرابع La quatrième condition de la ilaha illallah الانقياد والاستسلام لما دلت عليه المنافي للترك C'est-à-dire de se soumettre à la ilaha illallah et de ce qu'elle comporte comme preuve de se soumettre une soumission qui exclut tout rejet. Une soumission qui exclut tout rejet ou tout délaissement. قال الله تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى ومعنى يسلم وجهه أي ينقاد وهو محسن أي موحد والعروة الوثقى هي لا إله إلا الله وقال الله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون أي ارجعوا إلى ربكم واستسلموا له Donc la quatrième condition de la ilaha illallah, c'est de se soumettre à celle-ci. La preuve est la parole d'Allah Azza wa Jal dans le verset 22 de Sourate Luqman. Et celui qui soumet sa face à Allah tout en étant bienfaisant, il s'est alors accroché à l'anse la plus ferme. Et Cheikh Mohammed Abdel Wahhab Al-Wissabi, hafidahullah, explique en disant la signification de soumettre sa face, c'est-à-dire de se soumettre et de s'abaisser devant cette parole. Wa huwa muhsin, tout en étant bienfaisant, c'est-à-dire tout en étant muwahhid, c'est-à-dire en mettant en pratique le tawhid, en adorant qu'Allah subhanahu wa ta'ala seul. Et l'anse la plus ferme, c'est la ilaha illallah. Et l'anse la plus ferme, c'est la ilaha illallah. Et l'autre preuve dans le livre d'Allah, qu'il faut se soumettre et que ceci est une condition de la ilaha illallah. Allah Azza wa Jalla dit dans Surat Az-Zumar, le verset 54, et repentez-vous et revenez vers votre Seigneur et soumettez-vous à lui avant que ne vous vienne un châtiment et que vous ne receviez aucun secours. Avant que ne vienne un châtiment et que vous ne receviez aucun secours. Et il dit, hafidahullah, c'est-à-dire, revenez à votre Seigneur et soumettez-vous à lui. Revenez à votre Seigneur et soumettez-vous à lui. Puis il a cité la preuve dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, en disant: وعن عبد الله بن عمرو مرفوعا: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به قال النووي في الأربعين: حديث حسن صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح، وصححه الشيخ حافظ حكمي في كتابه معارج القبول، وقد احتج به ابن كثير في تفسير: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، واحتج به الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله. انظر الواجبات المتحتمات لمعرفة الأمور المهمات. وفي سنده نعيم بن حماد الخزاعي، وقد ضعفه قوم ووثقه آخرون، وهو حسن الحديث إن لم يكن مما أنكر عليه فيه. وقد ذكر ابن عدي في الكامل ما أنكر عليه ولم يذكر هذا منها، وقال في آخر الترجمة: وأرجو أن يكون باقي حديثه مستقيما. وقال ابن حجر في التهذيب: وقد مضى أن ابن عدي تتبع ما وهم فيه فهذا فصل القول فيه. وقال في التقريب: وقد تتبع ابن عدي ما أخطأ فيه وقال باقي حديثه مستقيم. فأقر ابن عدي على ذلك، قلت وأنا معهما. في la preuve dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam est le hadith de Abdullah ibn Amr marfou'a, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne sera véritablement croyant l'un d'entre vous que lorsque sa passion suivra ce pour laquelle ou ce avec quoi je suis venu. L'un d'entre vous ne sera véritablement croyant que lorsque sa passion suivra ce par quoi je suis venu. L'imam Nawawi rahimahullah a dit dans son livre ou son recueil les 40 hadiths, c'est un hadith bon et authentique que nous avons rapporté dans le livre de l'Hujjah à travers une chaîne authentique. Et c'est un hadith authentifié par Cheikh Hafid Hakami dans son livre Ma'arij al-Qaboul. Et c'est un hadith qu'a utilisé l'imam Nukathir rahimahullah lorsqu'il a expliqué la parole d'Allah azza wa jal: il n'appartient pas à un croyant et une croyante lorsqu'Allah et son envoyé ont décrété une chose qu'il n'ait le choix après cela. Et c'est un hadith qu'a utilisé également le Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab al-Tamimi, qui est Mohammed ibn Abdel Wahhab al-Tamimi, c'est qui? نعم سي الشيخ محمد بن عبد الوهاب شيخ الإسلام celui qui a purifié ou par laquelle ou par l'intermédiaire duquel Allah عز وجل a purifié la péninsule arabique du polythéisme. Et c'est entre autres celui qui a écrit le livre Kitab al-Tawhid, le livre Al-Usul al-Thalatha, les trois fondements et leur évidence, et beaucoup d'autres livres dans le tawhid et dans d'autres domaines autres que le tawhid. Et Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab al-Wisabi, l'auteur du livre, dit: et dans la chaîne de transmission de ce hadith, il y a un homme appelé Nu'aym ibn Hamad al-Khuza'i, et il y a une divergence des savants au sujet de ce rapporteur. Certains l'ont considéré faible, d'autres ont considéré qu'il était digne de confiance. Et Cheikh Mohammed ibn al-Wahhab, ibn Abd al-Wahhab, apporte son avis en disant que qu'il est jugé, ou que les hadiths qu'il rapporte sont jugés bons à partir du moment où ce hadith ne fait pas partie des choses qui lui ont été reprochées. Et Ibn Addi, un des savants du hadith, a expliqué dans son livre Al-Kamil tout ce qui a été reproché à ce rapporteur Nu'aym ibn Hamad al-Khuza'i. Et il a dit: et autre que ce que je viens de citer le concernant, ou tous les autres hadiths que je n'ai pas cités dans les choses qui lui sont reprochées, eh bien, j'espère ou je souhaite que ces hadiths ne comportent pas de mal et qu'ils soient des hadiths bons. Et Al-Hafidh ibn Hajar, dans deux de ses livres, Al-Tahdhib et Al-Taqrib, a cité le fait que Ibn Adi a suivi et a énuméré l'ensemble des choses qui étaient reprochées à ce rapporteur, et que, autre que ce qu'a cité Ibn Adi, eh bien, que le hadith peut être jugé bon. Et Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab dit « Wa ana ma'ahuma » et moi je suis avec eux deux. En parlant de Al-Hafidh ibn Hajar et de Ibn Adi. Rahimallahu al-Jami'a. Donc au final, le Cheikh considère que ce hadith est bon et que on peut l'utiliser comme preuve, notamment pour prouver que parmi les conditions de la ilaha illallah, c'est que le musulman doit se soumettre à cette parole et à tout ce qu'elle implique. الشرط الخامس الصدق المنافي للكذب. La cinquième condition de la ilaha illallah, c'est la véracité qui exclut tout mensonge. وهو أن يقول هذه الكلمة مصدقا بها قلبه فإن قالها بلسانه ولم يصدق بها قلبه كان منافقا كاذبا. Être véridique dans cette parole, c'est-à-dire de dire cette parole en la considérant vraie par son cœur. S'il la prononce par sa langue et qu'il ne la considère pas vraie par son cœur, alors c'est un hypocrite menteur. قال الله تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَذِبِينَ وقال تعالى وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, hafidhahullah, a cité deux versets qui prouvent que il faut considérer vrai cette parole, la ilaha illallah, et que cela est une condition de celle-ci. Il a cité les versets 1 et 3 de Surat Al-Ankabut, qui est Surat l'araignée. Où Allah Azza wa Jalla a dit, Alif Lam Mim. Est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire « Nous croyons sans les éprouver » Certes, nous avons éprouvé ceux qui étaient avant eux. Ainsi, Allah sait ceux qui disent la vérité et ceux qui mentent. Et il dit, subhanahu wa ta'ala, dans l'autre verset de Surat al-Baqarah, les versets 8 et 10, « Et il y a parmi les gens qui disent « Nous croyons en Allah et au jour dernier alors qu'ils ne sont pas croyants. Ils cherchent à tromper Allah et ceux qui ont cru, mais en réalité, ils ne trompent que leur propre personne sans s'en rendre compte. Il y a dans leur cœur une maladie et Allah fait accroître celle-ci et ils auront un châtiment douloureux de part ou selon par ce qu'ils ont traité de mensonge. Parce qu'ils ont traité de mensonge. C'est-à-dire qu'ils ont fait apparaître une foi alors qu'en réalité, ils n'étaient pas croyants. Et on va citer l'explication de Cheikh Sa'di, rahimahullah, du verset ou des trois premiers versets de Surat Al-Ankabut, les Surat l'araignée. Il dit, rahimahullah ta'ala, يخبر تعالى عن تمام حكمته وأن حكمته لا تقتضي أن كل من قال إنه مؤمن وادعى لنفسه الإيمان أن يبقوا على في حالة يسلمون فيها من الفتن والمحن ولا يعرض لهم ما يشوش عليهم إيمانهم وفروعه. Il dit, rahimahullah, Allah Azza wa Jal informe de sa parfaite sagesse. Et que sa sagesse, et que la sagesse d'Allah Azza wa Jal ne signifie pas que celui qui dit je suis croyant et qui proclame cela, qu'il va rester dans cet état de foi. Sans, en étant épargné de toute épreuve, et que qu'il ne sera pas touché par ce qui déstabilisera sa foi. فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ لَمْ يَتَمَيَّزِ الصَّادِقُ مِنَ الْكَاذِبِ والمحق من المبطل ولكن سنته تعالى وعادته في الأولين وفي هذه الأمة أن يبتليهم بالسراء والضراء والعسر واليسر والمنشط والمكره والغنى والفقر وإدانة الأعداء عليهم في بعض الأحيان ومجاهدة الأعداء بالقول والعمل ونحو ذلك من الفتن التي ترجع كلها إلى فتنة الشبهات المعارضة للعقيدة والشهوات المعارضة للإرادة. Cela ne fait pas partie de la sagesse d'Allah Azza wa Jal de laisser les croyants ainsi sans être éprouvés. Et si cela était ainsi, alors le véridique ne serait pas distingué du menteur. Celui qui est dans le vrai ne serait pas distingué de celui qui est dans le faux. Mais Allah Azza wa Jal veut, et sa sagesse veut, et ceci ne nous concerne pas nous uniquement, mais même ceux qui nous ont précédés. Et cette communauté également, de les éprouver dans le bien et dans le mal, dans la difficulté et dans la facilité, dans la richesse et dans la pauvreté, et dans le fait que leurs ennemis leur portent atteinte de façon moindre un certain temps, et que leurs attaques soient plus fortes par leurs paroles et par leurs actes dans d'autres moments. Et tout ceci, et toutes ces épreuves, reviennent à deux choses ou à deux catégories. Il y a l'épreuve des doutes et des ambiguïtés qui ont pour but de contredire la foi authentique, et il y a les tentations qui viennent contredire ce qu'Allah Azza wa Jal veut de nous. فمن كان عنده ورود الشبهات يثبت إيمانه ولا يتزلزل ويدفعها بما معه من الحق وعند ورود الشهوات الموجبة والداعية إلى المعاصي والذنوب أو الصارفة عن ما أمر الله به ورسوله يعمل بمقتضى الإيمان ويجاهد شهوته دل على صدق إيمانه وصحته ومن كان عند ورود الشبهات يؤثر في قلبه شكا وريبة وعند اعتراض الشهوات تصرفه إلى المعاصي أو تصدفه عن الواجبات دل ذلك على عدم صحة إيمانه وصدقه. Celui donc qui, lorsque les ambiguïtés viennent, eh bien sa foi est ferme, elle ne tremble pas, et il repousse ses ambiguïtés avec ce qu'il a comme vérité. Et celui qui, lorsque les tentations qui viennent détourner de l'obéissance d'Allah Azza wa Jal vers sa désobéissance et son péché, et qui viennent contredire et détourner de ce qu'Allah Azza wa Jal a ordonné et son envoyé sallallahu alayhi wa sallam, lorsque ces tentations viennent à lui, alors il met en pratique ce qu'implique la foi en combattant ces tentations. Alors ceci prouve la véracité de sa foi. Quant à celui qui, lorsque les ambiguïtés viennent, elles ont un effet sur son cœur, en y mettant un doute, et lorsque les tentations viennent à lui, eh bien, elles le détournent vers la désobéissance d'Allah Azzawajal, ou elles le détournent des obligations, cela prouve que sa foi n'est pas véridique. والناس في هذا المقام درجات لا يحصيها إلا الله. Et les gens sont à ce sujet, sont étalés en plusieurs degrés. Un nombre de degrés n'étant connu que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Certains sont beaucoup éprouvés, d'autres moins. Certains vont répondre et combattre certaines ambiguïtés et certaines tentations et céder à d'autres. Ainsi les gens se différencient à ce sujet. Et il dit, rahimahullah, فنسأل الله تعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Et nous demandons à Allah de nous raffermir par la parole ferme dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. وأن يثبت قلوبنا على دينه فالابتلاء والامتحان للنفوس بمنزلة الكير يخرج خبثها وطيبها. Et nous demandons à Allah Azzawajal de raffermir nos cœurs dans sa religion. Et les épreuves sont pour les âmes comme le feu qui extrait le mauvais et le bien. Al-Kir, le feu qui est utilisé pour purifier quoi ? Kamayen fil-Kir ou Khabatha Al-Hadith, comme cela est rapporté dans le Hadith authentique, comme le forgeron et le feu qui est fort, Kamayen fil-Kir ou Khabatha Al-Hadith, comme le feu purifie et enlève les impuretés du fer. Ainsi, le fer, lorsqu'il est chauffé à grande température, eh bien, toutes les impuretés qui sont présentes dans ce fer sont enlevées. Ainsi sont les épreuves. Les épreuves qu'Allah Azza wa Jal, ou par lesquelles Allah Azza wa Jal éprouve ses serviteurs, c'est pour différencier les bons des mauvais, pour différencier les véridiques de ceux qui ne le sont pas. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار رواه البخاري ومسلم. Et la preuve dans la sunna du prophète صلى الله عليه وسلم et le hadith de Anas رضي الله عنه qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas une personne qui atteste qu'il n'y a de vraie divinité qui ne mérite d'être adorée qu'Allah, et que Muhammad est l'envoyé d'Allah, en considérant vrai cela par son cœur, sans qu'Allah azza wa jal ne lui interdise l'enfer. Sans qu'Allah azza wa jal lui interdise l'enfer. Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a clairement cité comme condition de la ilaha illallah le fait de considérer vrai celle-ci par son cœur. الشرط السادس الإخلاص المنافي للشرك والنفاق والرياء والسمعة. Sixièmement, la sixième condition de la ilaha illallah, c'est la sincérité. Une sincérité qui exclut toute forme de polythéisme, toute forme d'hypocrisie, toute forme d'ostentation. والإخلاص هو تصفية العمل بصالح النية عن جميع شوائب الشرك. Et la sincérité, qu'est-elle ? C'est le fait de purifier les actes pieux. c'est de purifier les actes par une intention pieuse, de la purifier de toutes les branches et de toutes les catégories de polythéisme. قال الله تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. Et Allah عز وجل dit en sourate Az-Zumar, verset 2, adore Allah en vouant pour lui la religion avec sincérité. Et il dit subhanahu wa ta'ala en sourate Al-Bayyinah, le verset 5, et il ne leur a été ordonné que d'adorer Allah en lui vouant un culte exclusif, c'est-à-dire en étant sincère dans ton adoration à Allah subhanahu wa ta'ala. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. رواه البخاري. Et la preuve dans la sunna du prophète صلى الله عليه وسلم que la sincérité est une condition de la ilaha illallah, le hadith d'Abu Huraira رضي الله عنه apporté par Al-Bukhari, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les gens qui seront les plus heureux de recevoir mon intercession le jour du jugement seront ceux qui auront dit « La ilaha illallah » en toute sincérité avec leur cœur. » En toute sincérité avec leur cœur. وعن عتبان بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. رواه البخاري ومسلم. Et selon عتبان بن مالك رضي الله عنه, il dit que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit qu'Allah interdit l'enfer à toute personne qui dit « La ilaha illallah » en ne voulant dans cela que la face d'Allah. En ne voulant dans cela que la face d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire en étant sincère et en adorant Allah azza wa jal lui et lui seul. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Al-Shart al-Sabi'a. La septième condition. La première, c'est quoi déjà? Al-ilm, la connaissance. La deuxième, al-yaqin, qui est la certitude. La troisième, al-qaboul. Et ici, concernant al-qaboul, on dit toujours al-qaboul avec al-fatha sur le qaf. Car en arabe, qaboul signifie. Non, c'est d'abord le derrière. Al-Qubul, ce sont les parties intimes de devant. Donc de dire Qubul, c'est quelque chose de hein, d'indécent. Donc, lorsque vous dites, ou lorsque vous utilisez le mot Qaboul pour dire accepter, etc., dites toujours Qaboul. Ne dites pas devant un shir Qubul. Ça passerait pas. Sauf si il sait que vous ne connaissez pas bien l'arabe et que vous êtes en train de l'apprendre. La troisième condition de la ilaha illallah, c'est al-qaboul ou laha, c'est l'acceptation de celle-ci. Ensuite, le quatrième, al-inqiyad. Vous êtes sûr que c'est al-inqiyad? Al-inqiyad ou l'istislam. Donc c'est la soumission à celle-ci. Ensuite, le cinquième, as-sidq, la véracité. Le sixième, al-ikhlas, la sincérité. Et on verra à la fin de ce chapitre que Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab apporte deux vers de poésie qui rassemble l'ensemble des 8 conditions de la ilaha illallah. Celui qui apprend ces deux vers, eh bien, connaîtra les 8 conditions. الشرط السابع المحبة المحبة لهذه الكلمة العظيمة المباركة ولما اقتضته ودلت عليه ولأهلها العاملين بها الملتزمين بشروطها وبغض وبغض ما ناقض ذلك قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه La septième condition, c'est d'aimer cette parole. D'aimer cette parole immense et cette parole bénie. Et d'aimer tout ce qu'elle implique. D'aimer également tous ceux qui font partie de, ou tous ceux qui la mettent en pratique et qui mettent en pratique également ces conditions et de détester tout ce qui contredit cette parole. Allah Azza wa Jalla dit dans Sourate Al-Baqarah, le verset 165, et parmi les gens, ceux qui ont pris en dehors d'Allah des divinités qu'ils aiment comme leur amour pour Allah. Et ceux qui ont cru aiment plus encore Allah. Et ceux qui ont cru aiment plus encore Allah. Et il dit subhanahu wa ta'ala dans Surat al-Ma'idah, la table servie, le verset 54, ô vous qui avez cru, ceux d'entre vous qui renient leur religion, eh bien Allah apportera un peuple et des gens qu'il aimera et qu'ils aimeront. Un peuple qu'Allah Azza wa Jalla aimera et un peuple qui aimera Allah subhanahu wa ta'ala. Et on va lire l'explication de Cheikh Sa'di rahimahullah sur le premier verset cité, à savoir la parole d'Allah Azza wa Jal, selon le sens, et il y a parmi des gens ceux qui prennent des divinités en dehors d'Allah, qu'ils aiment comme l'amour d'Allah, et ceux qui ont cru, leur amour pour Allah est encore plus grand. Il dit, rahimahullah ta'ala, ما أحسن اتصال هذه الآية بالتي قبلها فإنه تعالى لما بين وحدانيته وأدلتها القاطعة وبراهينها الساطعة الموصلة إلى علم اليقين المزيلة لكل شك ذكر هنا أن من الناس مع هذا البيان التام من يتخذ من دون الله أندادا لله أي نظراء ومثلاء يساويهم في الله في العبادة والمحبة والتعظيم والطاعة ومن كان بهذه الحالة بعد إقامة الحجة وبيان التوحيد علم أنه معاند لله مشاق له أو معارض عن تدبر آياته والتفكر في مخلوقاته فليس له أدنى عذر في ذلك بل وقد حقت عليه كلمة العذاب Il dit, rahimahullah, et comme la liaison entre ce verset et celui qui le précède est belle. Car Allah Azza wa Jal, dans le verset précédent, a démontré son unicité et a apporté les preuves irréfutables à cela. Des preuves qui amènent à la certitude qu'Allah Azza wa Jal est le seul créateur et le seul gouverneur de cet univers. Et après avoir cité tout ceci, il parle, ou il a cité, que parmi les gens, après toute cette démonstration, des personnes qui prennent en dehors d'Allah des divinités, c'est-à-dire qu'ils prennent des semblables à Allah, en les mettant au même niveau qu'Allah dans l'adoration et dans l'amour, et dans le fait où qu'ils sont immensifiés et qu'ils sont obéis comme Allah. Et celui qui est dans une situation comme celle-ci, après que la preuve lui était montrée, et après que l'unicité d'Allah Azzawajal lui était démontrée, et qui fait de tels actes, cela prouve qu'il renie Allah Azzawajal et qu'il le contredit, ou alors qu'il s'est détourné de la méditation des signes d'Allah et de sa création. Il n'a alors aucune excuse à cela. Et plus encore, le châtiment lui est obligatoire. وهؤلاء الذين يتخذون الأنداد مع الله لا يساوونهم بالله في الخلق والرزق والتدبير إنما يساوونهم في العبادة فيعبدونهم ليقربوهم إليه. Et ceux qui prennent d'autres divinités avec Allah, ils ne les mettent pas au même titre qu'Allah dans la création, dans la pourvoyance et dans la gouvernance de l'univers. Mais ils les mettent au même niveau qu'Allah dans l'adoration. Et ils adorent Allah, soi-disant, ils adorent ses statues et ses idoles, soi-disant, pour que celles-ci les rapprochent d'Allah. وفي قوله اتخذوا دليل على أنه ليس لله ند وإنما المشركون جعلوا بعض المخلوقات أندادا لله تسمية مجردة ولفظا فارغا من المعنى كما قال تعالى وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول إن وقال تعالى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن. Il dit rahimahullah, et dans la parole d'Allah Azza wa Jalla lorsqu'il dit, et parmi les gens, certains ont pris des divinités en dehors d'Allah. Et il dit rahimahullah, Allah Azza wa Jalla dit, ils ont pris. Ceci est une preuve qu'Allah Azza wa Jalla n'a pas de semblables. Mais ce sont les polythéistes qui ont fait de certaines de ces des créatures d'Allah des idoles et des semblables à Allah en leur donnant des noms qui sont dénudés de tout sens. Comme l'a dit Allah Azza wa Jal dans plusieurs versets, وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ, et ils ont pris des divinités avec Allah, dit nommez-les, donnez-nous leur nom. Et il dit dans un autre verset, ce ne sont que des noms que vous avez donnés vous et vos parents, car Allah Azzawajal n'a pas fait descendre, ils ne suivent que leurs suspicions. فالمخلوق ليس ندا لله لأن الله هو الخالق وغيره مخلوق. La créature ne peut être semblable à Allah et ne peut être prise comme une divinité avec Allah, car Allah est le créateur et tout autre que lui est créature. Et Allah est celui qui donne la pourvoyance et autre que lui reçoit la pourvoyance. Et Allah est le plus riche et vous êtes les pauvres. والعبيد ناقصون من جميع الوجوه. Et Allah Azza wa Jal est celui qui est parfait dans tous les sens du terme, et ses serviteurs sont les faibles et ceux qui ont un manque dans tous les sens du terme. والله هو النافع الضار والمخلوق ليس له من النفع والضر والأمر شيء. Et Allah Azza wa Jal est celui qui donne le bien et le mal, et ces créatures n'ont aucun pouvoir, ni dans le bien, ni dans le mal, ni dans le commandement de quelque chose que ce soit. فَعُلِمَ عِلْمًا يَقِينًا بُطْلَانَ قَوْلِ مَنِ اتَّخَذَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا. Ainsi, il est connu que celui qui prend une divinité autre qu'Allah, سَوَاءً كَانَ مَلَكًا أَوْ نَبِيًّا أَوْ صَالِحًا صَنَمًا أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ وأن الله هو المستحق للمحبة الكاملة والذل التام. Que rien ne justifie le fait de prendre une autre divinité avec Allah, que ce soit un ange ou un prophète, que ce soit un pieux, un vertueux, ou une statue, ou toute autre chose, et qu'Allah Azzawajal est celui qui mérite que l'on aime, que l'on l'aime de la façon la plus parfaite, et que l'on se soumette à lui une soumission totale. فَلِهَذَا مَدَحَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ بِقَوْلِهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. C'est pour cela qu'Allah Azzawajal a fait l'éloge des croyants en disant « Et ceux qui ont cru aiment Allah encore plus. » C'est-à-dire « أي من أهل الأنداد لأندادهم لأنهم أخلصوا محبتهم له وهؤلاء أشركوا بها ولأنهم أحب من يستحق المحبة على الحقيقة الذي محبته هي عين صلاح العبد وسعادته وفوزه والمشركون أحب من يستحق من الحب شيئا ومحبته عين شقاء العبد وفساده وتشتت أمره. C'est-à-dire que les croyants aiment Allah encore plus, c'est-à-dire encore plus que ceux que les associateurs qui aiment leur divinité et qui ont, car les croyants ont réservé leur amour exclusivement à Allah. Quant aux autres, aux polythéistes, ils ont associé dans leur amour autre qu'Allah. Car les croyants aiment celui qui mérite l'amour, subhanahu wa ta'ala, et dans son amour il y a le bien pour le serviteur, et il y a sa félicité dans cette vie d'ici-bas. Quant aux polythéistes, ils ont aimé ceux qui ne méritent pas d'être aimés, et ils ont aimé ceux pour qui l'amour apporte la détresse du serviteur dans cette vie d'ici-bas, et le malheur, et le fait que son état amène à la perdition. Ainsi, al-mahabba, l'amour de cette parole est une des conditions de la ilaha illallah. Et les polythéistes, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'ils aimaient Allah, oui ou non? Oui, mais ils aimaient avec Allah d'autres divinités. Quant aux musulmans, ils réservaient exclusivement leur amour à Allah subhanahu wa ta'ala seul, et c'est pour cela que leur amour pour Allah était plus grand que l'amour des polythéistes envers Allah et envers leur statut. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار رواه البخاري ومسلم. فأهل لا إله إلا الله يحبون الله حبا خالصا وأهل الشرك يحبونه ويحبون معه غيره وهذا ينافي مقتضى لا إله إلا الله. إلى بخاف من السنة بخوفة صلى الله عليه وسلم سنو أنس بن مالك رضي الله عنه il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, trois choses. Celui qui les détient goûtera par celles-ci à la douceur de la foi, d'aimer Allah et son envoyé plus que quiconque, et d'aimer une personne en ne l'aimant que pour Allah, et détester de retourner à la mécréance, après qu'Allah l'en ait épargné, comme détester d'être jeté dans le feu. Hadith authentique apporté par Al-Bukhari et Muslim. La première des choses qu'a cité le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'Allah et son envoyé soient les plus aimés. Que tu dois aimer Allah et son envoyé plus que quiconque. Il dit, Habibullah ta'ala, et les gens de la ilaha illallah aiment Allah en lui donnant un amour exclusif. Quant aux polythéistes, ils aiment Allah et aiment avec lui autre que lui. Et ceci vient contredire ce qu'implique la ilaha illallah. Car la ilaha illallah implique et demande à ce que tu n'aimes qu'Allah et Allah seul. Wa shartu thamin al-kufru bit tawaghit wa hiya al-ma'budat min dunillah wal iman billahi rabban wa khaliqan wa ma'budan bihaq. Qala Allah ta'ala قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. La huitième condition de la ilaha illallah, c'est de mécroire au tawaghit. Qu'est-ce que tawaghit? C'est le pluriel de tawaghut. Et ce sont, ou c'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. De mécroire à tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, et signifie également de croire en Allah comme Seigneur, Créateur, et comme unique divinité qui doit être adorée. Et la preuve est la parole d'Allah Azza wa Jal dans le verset 256 de Sourate Al-Baqarah, lorsqu'il dit Azza wa Jal, le bon chemin s'est distingué de l'égarement. Celui donc qui mécroit au tawaghut et croit en Allah, c'est alors accroché à l'anse la plus solide qui ne se brise pas, et Allah est celui qui entend tout et qui est connaisseur de toutes choses. Wa an Tariq ibn Hashim radiyallahu anhu qal sami'tu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yaqul man qala la ilaha illa Allah wa kafara bima yu'badu min dunillah حرم ماله ودمه وحسابه على الله رواه مسلم في صحيحه. Et la preuve dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il faut mécroire au tawaghut et que cela fait partie des conditions de la ilaha illallah, et le hadith de Tariq ibn Hashim radiyallahu anhu qui a dit j'ai entendu l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire celui qui dit la ilaha illallah et qui mécroit en ce qui est adoré en dehors d'Allah, alors son argent, son sang sont sacrés et son jugement appartient à Allah. قُلْتُ فَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ جَمَعَتْ بَيْنَ النَّفِي وَالِثْبَاتِ فَلَا إِلَهَ نَافِيًا جَمِيعَ مَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَإِلَّا اللَّهِ إِثْبَاتُ الْعِبَادَةِ لِلَّهِ وحده لا شريك له. Il dit, c'est-à-dire Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab al-Wissabi, je dis la ilaha illallah rassemble entre une négation et une attestation. Point de divinité, cela exclut l'ensemble de ce qui est adoré en dehors d'Allah. Wa illallah, sauf Allah, ceci est une affirmation que l'adoration appartient à Allah seul et qu'il n'a point d'associé dans cela. وقد جمعت هذه الشروط الثمانية في هذين البيتين التاليين علم يقين وإخلاص وصدق كمع محبة وانقياد والقبول لها وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد أولها. راجع لشروط لا إله إلا الله كتاب معارج القبول بشرح سلم الأصول إلى علم الأصول في التوحيد للشيخ حفيد بن أحمد الحكمي والدروس المهمة لعامة الأمة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله الدرس الثاني. الشيخ محمد بن عبد الوهاب et ces huit conditions de la ilaha illallah ont été réunies dans les deux vers suivants. Ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka ma' mahabbatin wa anqiyadin wal qabul laha wa zidatha minuha al kufran minka bima siwa al ilahi min al ashiya'i qad uliha. Donc si on traduit ces vers, علم يقين وإخلاص وصدقك مع, c'est-à-dire science, certitude, sincérité avec la véracité dans, مع, وصدقكما نعم إتا فيراسيتي دون وأفيك مع محبة وانقياد والقبول لها أفيك أمور soumission et acceptation de celle-ci. Ça fait combien? Vous n'avez pas compté. Science, certitude, sincérité, véracité, avec amour, soumission et acceptation de celle-ci. Ça fait 7. وزيد ثامنها, et ajoute la huitième, c'est-à-dire la huitième condition, الكفران منك بما, c'est-à-dire de considérer ou de mécroire à وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد أوليها, et ajoute la huitième qui est de mécroire à tout ce qui en dehors d'Allah parmi les choses est adoré, à tout ce qui en dehors d'Allah parmi les choses sont adorés, et c'est la huitième condition de la ilaha illallah, à savoir de mécroire à tout ce qui est adoré en dehors d'Allah azza wa jalla. Et le cheikh amène ou conseille de lire 2 livres pour avoir plus de connaissances sur ces conditions de la ilaha illallah. Le premier, qui est le livre Ma'arijul Qaboul, l'explication de Sulam al-Usul ila ilm al-Usul, du cheikh Hafid ibn Ahmad Hakami rahimahullah ta'ala, qui est à la fois l'auteur et l'explicateur du livre. C'est lui l'auteur de Sulam al-Usul et c'est lui l'auteur de Ma'arij al-Qabul qui explique Sulam al-Usul. C'est un livre en 3 volumes. والدروس المهمة لعامة الأمة, et les cours importants pour l'ensemble de la communauté de Cheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala, le 2e cours. Et c'est un petit livre. Il est traduit en français ou pas? Comment il est traduit? Les leçons importantes pour toute la communauté. Naam, de Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, et il parle des conditions de la ilaha illallah dans le 2e cours. On a kafi bi hadha al-qadr. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.